6. L'élection aux États de 1614. Le personnel que Henri IV avait choisi et que sa mort avait groupé autour de la régente commençait à se lasser et à lasser. À une situation nouvelle, il fallait des hommes nouveaux. Ceux qui avaient le mieux personnifié le caractère parfois autoritaire et dur de la politique de l'ancien roi avaient disparu les premiers. Ainsi le duc de Sully, Villeroy, Sillery, plus souple, étaient restés, mais leur influence allait en diminuant. Le parti catholique espagnol était aux affaires. Des ecclésiastiques, des étrangers conduisaient la France. Nous sommes à l'époque de la faveur de Concini. Faveur inquiète, toujours précaire, cherchant en France des appuis que l'esprit français lui refuse, un habile homme peut tirer un excellent parti de cette situation difficile. Dans un pareil temps, les dévouements sont précieux. Le tout est de se faire valoir, de se faire aimer ou craindre. Pour cela, le séjour dans une province agitée est extrêmement favorable. C'est vers cette date que se dessine nettement la première partie de la carrière politique de Richelieu. Il ne s'agit nullement alors de grandes conceptions ou d'actions politiques étendues. Il ne s'agit pas de savoir ce que l'on fera quand on sera au pouvoir, mais seulement des meilleurs moyens d'y parvenir. Tout ambitieux porte en lui la conviction que les affaires ne peuvent prospérer que par lui. Il se donne d'abord pour tâche d'en saisir la direction. C'est la première partie de sa carrière et c'est par là aussi que ses qualités se révèlent. Les actes viennent ensuite et distinguent, selon le succès, l'orgueil légitime de la folle présomption. Richelieu profite de son caractère ecclésiastique. Il se souvient de son voyage à Rome, envoie dans cette cour un émissaire qui traite, paraît-il, de grandes choses, affiche vers cette époque des sentiments ultramontains, la cabale qui est aux affaires est catholique, jésuite, papiste, espagnole. Le futur adversaire de la maison d'Espagne, le futur allié de Gustave Adolphe, le futur chef des politiques, s'y enrôle sans hésiter. Dans le Poitou, il prend nettement position. La correspondance qu'il entretient avec M. Philippot et avec M. De Vic le montre de plus en plus engagé dans le parti. Il écrit que c'est cracher contre le ciel que de vouloir heurter l'autorité du roi et de la reine. Boutillier, son fidèle doyen, a l'ordre de l'instruire des menus faits de la cour et de ne pas perdre de vue le père Coton, le cardinal Duperron, les favoris. Richelieu fait un nouveau voyage à Paris sur la fin de 1613. Il prend langue à cette date avec Concini. Celui-ci précisément semble menacé d'une disgrâce. Tous les princes ont quitté la cour. La guerre civile est en perspective. C'est le moment choisi par Richelieu, qui au fond ne faisait nul cas de cet Italien, pour adresser à celui-ci une lettre pleine de protestations. « Monsieur, honorant toujours ceux à qui j'ai une fois voué du service, je vous écris cette lettre pour vous en continuer les assurances, car j'aime mieux vous témoigner la vérité de mon affection aux occasions importantes que de vous en offrir hors le temps les seules apparences. Je vous supplierai seulement de croire que mes promesses seront toujours suivies de bons effets, et pendant que vous me ferez l'honneur de m'aimer, que je vous saurai toujours très dignement servir. » Évidemment, l'évêque de Luçon s'engage à fond dans la cause du maréchal. Qui sait ? Peut-être a-t-il déjà conçu le vague dessein de le supplanter. Les amitiés politiques ont de ces dessous inattendus. Nous sommes arrivés d'ailleurs à cette année 1614 qui marque une date importante dans le règne de Louis XIII. Les fonds amassés par Henri IV dans les caves de la Bastille avaient été dépensés pendant les trois premières années de la Régence. Les princes du sang, les seigneurs de la cour, les protestants, s'agitaient et cherchaient quelque occasion de troubler la tranquillité qui, malgré tout, persistait dans le royaume. Sur la fin de 1612, un prétexte, le plus futile des prétextes, s'était présenté. Le prince de Condé, pour le moment d'accord avec le marquis d'Ancre, s'était montré froissé du refus qu'on lui avait fait du gouvernement de Château-Trompette et aussi de la faveur dans laquelle la reine tenait les Guises et d'Épernon. Il s'était retiré de la cour. Mayenne, Nevers, Bouillon et le marquis d'Ancre lui-même avaient fait comme Condé. Au bout de quelques mois, Concini était revenu à la cour, avait repris sa place dans la faveur de la reine et s'était séparé de la cabale de Condé pour se rapprocher des vieux ministres, Villeroy et Sillery. Cette fois, Condé, très irrité, ne ménage plus rien. Il se persuade que ces intrigues de cour ou d'alcôve intéressent toute la France. Il profite du mécontentement vague que la puissance du favori répand dans le royaume. Il lance un manifeste plein de reproches et de menaces. Au fond, ce manifeste n'était qu'une adroite exploitation de tous les mécontentements. L'Église n'a plus de splendeur, nul ecclésiastique n'est employé aux ambassades et n'a plus rang au conseil. La noblesse appauvrie et ruinée est maintenant taillée, chassée des offices de judicature et de finances, faute d'argent, privée de la paix des gendarmes et esclave de ses créanciers. Le peuple est surchargé par des commissions extraordinaires et tout tombe sur les pauvres pour les gages des riches. Ce sont là des plaintes qui peuvent se renouveler de tout temps et qui, de tout temps, trouvent l'approbation et l'adhésion de tous ceux que leur sort ne satisfait pas. Condé ne se mettait pas en peine d'indiquer un remède précis aux maux qu'il dénonçait. Mais il essayait de rendre sa conjuration populaire en réclamant énergiquement la convocation des États généraux. En un mot, on voulait brouiller. « Ce temps et toi si misérable, dit Richelieu lui-même, que cela et toi les plus habiles parmi les grands qui et toi les plus industrieux à faire des brouilleries. Et les brouilleries étoient-elles, il y avait si peu de sécurité en l'établissement des choses, que les ministres étoient plus préoccupés aux moyens nécessaires pour leur conservation qu'à ceux qui étoient nécessaires pour l'État. Le gouvernement de la reine, pauvre, timide, tiraillé, sans prestige, se défendait mollement contre des accusations insaisissables ou contradictoires. Pour les écarter, il eût suffi qu'un mot fût prononcé avec autorité. Mais c'est justement l'autorité qui manquait à ce gouvernement qu'on accusait d'abuser de la sienne. Aussitôt la publication de son manifeste, Condé esquissa quelque chose comme une prise d'armes. Le peuple ne bougea pas. Tout était tranquille. Si le gouvernement de la reine n'était pas fort, il était doux. On avait le souvenir encore présent des misères civiles. On végétait dans une sorte d'indifférence que les objurgations intéressées de Condé et de ses amis ne pouvaient secouer. Le gouvernement de la régente rassembla une armée, les conjurés mal préparés prirent peur, la reine ne demandait qu'à s'entendre, elle craignait que sa force ne se brisât si elle en faisait seulement l'essai. Des pourparlers furent engagés à Soissons d'abord, puis à Sainte-Ménéhoulde. Les princes obtinrent à peu près tout ce qu'ils voulurent, des places, des châteaux, des gouvernements, de l'argent, et enfin, pour ne pas abandonner tout leur programme populaire, la promesse de la réunion des États généraux. La profitable équipée des princes n'avait fait que rider la face du royaume. Pourtant, elle avait agité un peu plus profondément le Poitou et avait eu dans cette province des suites un peu plus graves. Le prince de Condé, se rendant à sa maison de Rochefort-sur-Creuse, devait passer près de Poitiers. Les magistrats municipaux résolurent d'aller comme de coutume au-devant de lui et de le saluer. Sur ces entrefaites arrive une lettre de la reine, datée du 13 février 1614, qui se plaignait vivement du prince. Les ennemis du maire répandirent aussitôt le bruit que le projet de voyage annoncé n'avait d'autre objet que de livrer la ville au prince de Condé. On disait aussi que la reine, mécontente de Poitiers, avait conçu le dessein d'y construire une citadelle et d'y mettre une garnison. Un vif mouvement d'opposition se fit alors contre le maire, Sévold de Sainte-Marthe. Celui-ci se trouvait ainsi, bon gré mal gré, rejeté dans le camp du prince. Ses adversaires exagéraient leur royalisme pour l'expulser du sien. À la tête de ses adversaires était le jeune évêque, La Roche-Posay d'Abbin, l'ami de Richelieu. Il était en correspondance avec la reine, avec Philippot, et se sentait soutenu par le gouvernement. Il prit aussitôt une attitude violente, agressive, peu convenable à un évêque. Il fit assassiner un émissaire du prince de Condé, Latry. Il fit fermer les portes au prince lui-même qui s'avançait vers la ville, et enlevant la direction effective des affaires au maire et à ses échevins, il se mit en posture de soutenir un siège. Le gouverneur, le duc de Rohanès, instruit des faits, accourut en toute hâte avec des paroles de conciliation. On ne voulut pas l'entendre, il fut menacé, maltraité par les partisans de l'évêque. Il ne dut la vie qu'à sa prudence et fut forcé de quitter la ville. Cependant, la paix de Sainte-Ménéhoulde était intervenue. La reine s'avança elle-même à la tête d'une armée assez importante pour pacifier les provinces de l'Ouest. Elle délivra à messieurs Mangot et Mazuyer, maîtres des requêtes, une commission qui leur donnait charge d'entendre les deux parties et de calmer les esprits. Le duc de Rohanès revint pour un jour à Poitiers. L'assassinat des compagnons de Latry fut oublié, tout rentra dans l'ordre, mais l'évêque La Roche-Posay, qui avait affiché un royalisme si intolérant, garda toute son influence. Or, c'est précisément à cette influence, à l'appui que lui donna son ami, que Richelieu dut, en 1614, son élection aux États généraux. Le peu de renseignements que nous avons sur cette période de sa vie nous le montre se prononçant très nettement contre les princes. Résidant en son prieuré de Cousset, il soutient de ses conseils l'énergie de son collège de Poitiers. Ils étaient à cette époque très unis. Comme les bandes de Mayenne, alliées de Condé, parcouraient le Poitou, elles n'eurent pas pour le château de Richelieu les égards auxquels avait droit la veuve du grand prévôt. Richelieu en écrit de bonne encre à un lieutenant du duc de Mayenne et lui fait savoir qu'il comptait sur plus d'attention de la part du duc. « Je lui en eusse volontiers écrit, dit-il, si je n'eusse reconnu par le traitement qu'il a fait à ma mère, ou qu'il ne me croit plus au monde, ou qu'il me tient du tout incapable de lui rendre jamais service. » Adressé à l'ancien adversaire de Henri IV, c'est là une parole assez fière et qui ne sent plus son débutant. Lors de la signature de la paix de Sainte-Menehould, Richelieu avertit lui-même les fidèles de son diocèse, mais il se hâte d'ajouter que le mérite de cette heureuse conclusion appartient tout entier à la reine dont la prudence a veillé pour assurer notre repos. Richelieu ne perd, on le voit, aucune occasion d'affirmer sa fidélité à la cause de la régente. C'est à titre de royaliste avéré qu'il fut choisi pour représenter à Paris le clergé de la province. L'occasion était guettée par lui depuis longtemps. Avant même que les lettres de convocation fussent lancées, un de ses amis, aposté dans la chancellerie, avait envoyé à M. de Boutillier un double du projet de rédaction de ses lettres. « Voici ce que je vous ai promis, » écrivait cet affidé. « Vous en savez l'importance qui fera que vous le tiendrez secret, comme je vous en prie. » Ainsi, Richelieu avait pu lire avant tout le monde, non seulement la lettre du roi aux baillis et sénéchaux, lettre purement officielle, et toutes deux formules, mais celle de la reine régente. Il avait pu voir que les États étaient convoqués pour le mois de septembre en la ville de Sens, que les baillis étaient invités non seulement à présider l'élection, mais à la surveiller de très près. « Je vous prie, disait la reine, de vouloir bien exhorter les uns et les autres d'apporter en cette action un esprit de paix et d'obéissance avec une bonne inclination et entière disposition de n'avoir autre but que celui que de bons et fidèles sujets doivent porter à ces occasions. Vous prendrez aussi soigneusement garde et avertirez ceux que vous estimez être à propos à ce que le choix et l'élection de ceux qui doivent être députés soient faits de personnages d'honneur qui soient recommandables tant par leur probité et intégrité que pour leur affection au service du roi, mondit sieur et fils, et au bien et au repos de ses sujets. Richelieu, prévenu à l'avance, pouvait préparer ses batteries. Pour qui savait lire entre les lignes, il était clair que la candidature officielle allait faire jouer tous ses ressorts. Quelques jours après, 23 juin 1614, l'évêque de Luçon reçut du duc de Sully, gouverneur de Poitiers, l'ordre officiel de convocation des trois ordres de son diocèse. « Vous tiendrez, s'il vous plaît, la main, écrivait le vieux huguenot disgracié, à ce que toutes choses se fassent avec douceur, et en tant que vous pourrez, qu'il soit député une personne de chacun ordre, de probité, qualité, et pouvoir suffisant et convenable au sujet. Votre piété et affection au service du roi me fait espérer que vous les témoignerez tout entière en une si importante occurrence. Je vous prie de croire, ajoutait-il obligeamment, que j'honore votre vertu et fais état de votre amitié, comme je vous conjure de vous assurer de la mienne. » Pour obtenir de pareilles protestations de la part d'un homme si hautain, il fallait que Richelieu fût décidément devenu quelque chose dans la province. Les amis, en effet, ne s'endormaient pas. Le 3 juillet 1614, La Roche-Posay, au fort de la querelle contre le prince de Condé, lui écrivait une lettre qui établit l'entente en vue de l'élection. « Monsieur, je lis hier réponse à Monsieur de Sully, et le priais de me mander le jour auquel il désiroit que se fît l'Assemblée pour l'élection des députés, parce qu'il ne me la voit pas spécifiée. Toutes les affaires sont en bon état, ajoute-toi l'évêque de Poitiers, tant au-dedans qu'au-dehors, de sorte qu'on ne peut espérer que bien, la reine ayant offert à Monsieur le prince toute satisfaction en justice. Vous m'obligez trop d'avoir souvenance de moi et de me plaindre de mes peines. J'y suis tellement accoutumé depuis 5 mois que je ne les ressens comme point, ayant aussi la résolution de ne rien appréhender en m'acquittant de mon devoir. » Un mois après, à la veille même de l'élection, il prenait ses dernières mesures avec Richelieu et lui indiquait comment il avait aplani toutes les difficultés. « Je vous envoie, monsieur le prieur de Sainte-Radegonde, pour vous dire l'ordre que nous mettons ici pour l'assemblée du clergé et savoir de vous celui que vous avez apporté à votre diocèse. Ceux de Maillezais sont avertis de se trouver ici. On ne nommera qu'un député parce que celui duquel je vous avois parlé ne peut accepter la charge à cause de son âge, de sorte que vous serez seul, ce qui sera bien à propos pour beaucoup de raisons. » Le lendemain 10 août, les cloches sonnèrent dans chaque paroisse et les habitants députèrent quelques-uns d'entre eux pour aller à Poitiers procéder à l'élection. Le terrain, comme on le voit, était bien préparé. La candidature de Richelieu était seule présentée. Ce jour même, pour apaiser les dernières inquiétudes de l'évêque de Poitiers, la reine régente avait signé le pouvoir des messieurs Mangot et Mazurier, chargés de rétablir l'ordre et le calme dans les esprits. Le mardi 12, la réunion des électeurs du tiers-état eut lieu au palais par devant l'assesseur en l'absence du lieutenant-général, celle du clergé eut lieu en la salle de l'évêché, celle de la noblesse en la salle de l'audience du palais. Cette première réunion avait pour objet une entente préalable tant sur le choix des candidats que sur la rédaction des cahiers. Dès le 19, l'élection de Richelieu était assurée. Duverger de Haurane l'avait averti le premier au nom de son évêque. Celui-ci prend bientôt la plume. On avait pu obtenir du clergé de Poitiers la nomination d'un seul député. Il avait fallu donner comme adjoint à l'évêque de Luçon le doyen de Saint-Hilaire. En outre, le diocèse de Maillezais n'avait pas voulu se joindre au vote. La Rocheposay s'en explique. « Monsieur, vous savez par monsieur de Saint-Cyran, comme vous fûtes hier nommé député pour ce diocèse, et monsieur le doyen de Saint-Hilaire avec vous, qui est un homme aussi paisible qu'on en saurait désirer. On a été obligé de vous donner cet assistant, parce que ceux de la ville eussent murmuré, s'il y en eût eu un de la ville, encore qu'on n'a pas laissé de dire que les évêques vouloient tout faire, qu'un évêque se roi plus que 4 capitulaires, et qu'on avoit toujours accoutumé d'en nommer un de Saint-Pierre. Outre qu'on nomme 2 partout et qu'on compte aux états, à ce qu'on dit, les voix des députés et non pas les provinces, la considération que vous serez député pour les 3 évêchés a fort servi pour contenter les capitulants, qui seuls font les difficultés. Mais à ce que j'entends, Maillezais va à Fontenay pour faire bande à part, ce qui ne leur réussira pas. Vous y remédierez, s'il vous plaît, comme à ce qui est de Luçon, et puisque vous me voulez faire l'honneur de venir ici, j'oserai vous supplier que ce fût lundi au soir, parce qu'on a pris le mardi suivant pour aviser au cahier et mettre ce qui est des 3 diocèses en un cahier. Je me remets à monsieur de Saint-Cyran pour les autres particularités. » Ces documents montrent les 3 amis de Richelieu, la Rocheposay d'Albin, Saint-Cyran et le fidèle doyen Routillier, car celui-ci n'avait pas quitté Poitiers durant tout le temps de l'élection, s'employant ensemble à préparer la carrière de leur ami, écartant devant lui tous les obstacles, lui mettant, selon une métaphore du temps, le pied à l'étrier. Il ne restait plus qu'à donner au travail qui s'était fait sous le manteau une consécration officielle. Le 24 août, chacun des corps fut convoqué pour élire définitivement ses députés. Ceux de l'Église s'assemblèrent dans la chambre du Conseil. Ils désignèrent monsieur l'évêque de Luçon et le doyen de Saint-Hilaire, ceux de la noblesse en la chapelle, ils nommèrent messieurs de la Châtaigneraie et de la Noue, ceux du tiers-état en la salle de l'audience nommèrent messieurs Desfontaines-Brochard, anciens conseillers et échevins, Brisson, sénéchal de Fontenay-le-Comte et Arnaud, marchand. les quelques semaines qui suivirent furent consacrées à la rédaction du cahier du clergé, Richelieu vint exprès à Poitiers pour prendre part à la discussion. L'exemplaire qui lui fut remis est parvenu jusqu'à nous. Il garde dans le fond comme dans la forme de nombreuses traces de sa collaboration. En ce qui concerne les privilèges ecclésiastiques, le souci de la décence et du respect dans les actes religieux, l'obéissance au Concile de Trente, le désir de voir s'étendre l'instruction des prêtres, l'abolition des duels, sur tous ces points, les cahiers du clergé de Poitou sont d'accord avec les pensées personnelles de l'évêque de Luçon. Ils sont aussi en conformité absolue avec les doctrines et les préjugés du temps. Richelieu, mandataire de ses collègues, égaux du clergé poitevin, s'élève peu au-dessus d'eux. Si déjà il avait conçu quelque vague idée de son œuvre future, il se taisait. Pour le moment, il fallait réussir, et pour réussir, il fallait parler le langage des hommes dont il sollicitait la confiance. Le 4 septembre 1614, la rédaction définitive du cahier lui fut remise, ainsi qu'à son collègue, le doyen de Saint-Hilaire. Le temps pressait d'ailleurs, la réunion des États, d'abord indiquée pour Sens, avait été plusieurs fois retardée. On venait de la fixer pour Paris dans les premiers jours d'octobre. Le jeune évêque, après avoir fait ses adieux à tous ceux qu'il avait si généreusement servi dans cette circonstance, monta en carrosse et, accompagné du doyen de Saint-Hilaire, collègue peu embarrassant, il refit en hâte ce chemin que 6 ans auparavant il avait parcouru en sens contraire. Le séjour qu'il avait fait dans la province n'était pas perdu. C'était cette province qui maintenant le choisissait, qui le désignait à la cour. Elle avait prolongé assez longtemps son influence sur lui pour qu'il en gardât l'empreinte toute sa vie.